Les bobos du rock, les débutants comme des stars finis, c'était les Chaka Punk que je préfère écouter que voir, surtout lorsqu'ils reprennent du Nirvana comme vous l'avez certainement reconnu. Mais trêve de mauvaises ondes, car ce soir dans Pop and Rock sur la très locale RVR, on va se consacrer au dernier album de Animal Triste, sorti en ce début 2022. Premier titre, celui qui a ouvert mes oreilles à ce groupe rock français, amoureux des Doors, on écoute Tell Me How Bad I Am de Animal Triste. Pop and Rock, c'est la mélancolie de Animal Triste qui nous accompagne. Again, and now she cries. embers to ashes. We're lighted with matches in a garden full of trees. She burns, she burns, she burns the world. Animal Triste est né comme beaucoup de groupes de rencontres lorsque des ex de Radio Sofa invitent des potes dont un ancien de la Maison Tellier. Ça donne donc Animal Triste pour un troisième titre ce soir dans Pop and Rock, Wide at Heart. Home. I feel pain in your love. Animal Triste, deux albums depuis 2019, groupe qui prend corps pendant les années Covid et qui marque son amour inconditionnel du rock en reprenant un titre du boss. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, go to bed feeling the same way. I am nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You could start a fire, you can start a fire without a spark. This gun is for hire, even if we're just dancing in the dark. Message keeps getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. I want to change my clothes, my hair, my face. Man, I am getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Ooh, baby, I just know that. Si vous avez aimé Animal Triste, alors foncez sur la page Facebook de Pop'n Rock, vous y retrouverez deux titres en vidéo, mais en attendant, profitons de Afterlife, dernier titre pour ce soir de Animal Triste dans Pop'n Rock. Yeah. Et lorsque je prépare un Pop 'n Rock, je vais gratter et chercher, et j'ai donc trouvé, grâce à ces recherches, une interview de Animal Triste dans laquelle ils évoquent leurs amours rock. De Springsteen aux Doors, en passant par Muzz, qu'on écoutera un petit peu plus tard, mais également en passant par un dénommé Alex Mas, pote de Pop 'n Rock labellisé depuis bien longtemps chez nous. le titre de Alex Mas, j'ai choisi Keep Your Balance, alors que Mathieu de Animal Trist préfère Been Struggling, qui me parle un peu moins. Par contre, le titre de Muzz qui arrive, Bad Feeling, est bien dans la playlist de Mathieu. On écoute donc Muzz, Bad Feeling. Yeah, we're rolling, we're living outside now. Every moon has been chosen, we're doing all right now. Thought I'd say something, you'd be proud of me. Selling someone, I forgot at 17. Don't call me stupid. Y'all just need a little kindness to reach back from those mistakes before they can find us alone till the stone bleeds. I will work everything out. Generation, torment of ease. So long. Fidélité est une vertu qu'on essaie de cultiver dans Pop & Rock sur RVR. La preuve ce soir encore avec le soutien indéfectible de votre serviteur à Children of the Sun que nous soutenons sans réserve pour les deux titres à venir. Children of the Sun arrive avec Man in the Moon suivi de Reaching for Sun. Burning red, play with your mind, always inside your head. In love with the night, when she's walking alone with the man in the moon. He's poison, burning red, play with your mind, always inside your head. In love with the night, when she's walking alone with the moon. Man in the moon. Burning red, play with your mind, always inside your head. In love with the night, when she's walking alone with the man in the moon. He's poison, burning red, play with your mind, always inside your head. In love with the night, when she's walking alone with the moon. Thank you. RVR, on aime, que dis-je, on adore Children of the Sun. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Pop & Rock écoutait les gars d'Atlanta de Manchester Orchestra et ça donnait top-notch. There's two twin deaf kids and they've gotta make an ungodly decision. They decide which one gets to leave this place, which one will forsake it to make it. I in this temporal tongue. I don't think there's a way to resolve this. We should wrap both these ties round our blistering bones. Waited out in the closet. His brother looked him up and down. And he prophesied how all of it should end. Said we're buried underneath the yard and no one ever listens or visits. And all that I know, there's no way to fix it. All that I know, there's no way to fix it. All that I know, there's no way to fix it. All that I know's no way to fix it. It didn't really matter how it happened when it did. 'Cause when it happened, you reacted with this apathetic wind. So you try to wash it out, but that's a stain that won't dissolve. Man, we all believed in ghosts until you walked into the wall. So give up, oh, oh, oh. So give up. All that I know's no way to fix it. Yeah, all that I know, no, no, is no way. Animal Triste a ouvert en beauté le Pop'n Rock 175. Lors de notre opus précédent, nous avons découvert d'autres rockers français issus de Bordeaux. Café Bertrand revient ce soir avec La Route, suivie de Sir John. Viens vivre loin de moi dans ma chaleur animale. Tu t'approches de mon départ, beauté fatale. Puisque la vie m'oblige à épouser la route avec ta photo dans ma poche, ma grade dans la soute, laisse-toi partir dans le supplice de Tantale. Laisse-moi juste ton parfum aux fragrances de scandale et ressens-tu la plein nez, ce parfum cannibale. Es-tu prêt à venir vivre loin de moi? Es-tu à venir vivre loin de moi? Puisque ma vie est à jamais sur la route, es-tu prête à vivre loin de moi? Puisque ma vie est à jamais sur la route. ma vie est à jamais sur la route. Jamais sur la route. Comme tous les lundis entre 17h et 18h, vous écoutez Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock. Vous y retrouverez toutes nos playlists et tous les artistes que nous suivons. La calèche collée au cul des équidés qui s'emballent, me laisse entendre que vous me pourchassez. Là où seules les chandelles me parlent, là où celle qui est pleine reste mon allié. Sauf dans l'allée sans fin de mon manoir, à l'abri des jours, dans l'attente des soirs. Prisonnier de mon sortilège, de ma vie de chien, je viens en costume et monocle pour feindre l'humain. Je me réveille dans les courbatures, avec dans la gueule un métallique coup de sang. Ils croient tous, ils le jurent, c'est l'œuvre des gitans. Je sors à n'importe quelle heure, je me rebelle de tout ce qui vit. Je suis un monstre en pleurs, Sir John, pour ceux qui m'ont suivi. Je m'arrondre très fond des pénombres colossales, à la recherche d'un quelconque frère animal. Une nuit j'ai traversé les Landes, ils voulaient m'ôter la vie. Ils m'ont tout juste effleuré, ceci dit. Et je les entendais, loin de se taire. Ces blessures sont très sévères, il ne passera pas l'hiver. Mais la malédiction me confère certains droits sur vos terres. Je suis le trophée à avoir, la chose à battre. Je me réveille dans les courbatures, avec dans la gueule un métallique coup de sang. Ils croient tous, ils le jurent, c'est l'œuvre des gitans. Je sors à n'importe quelle heure, je me rappelle tout ce qu'il vit. Je suis un monstre en pleurs, Sir John, pour ceux qui m'ont suivi. La noblesse de vos intentions, de moi n'ont eu de raison alors battez les campagnes du 18e. Leurs brumes empalées, leurs sentiers escarpés. Il se pourrait qu'un jour je revienne chez Louis-Philippe et le bras bien affûté. Je reviendrai malgré vos prières, me repaîtrai de tout ce qui vit. On me croit extirpé de vos imaginaires, mais je traverse les Landes depuis au moins 200 vies. Je me réveille dans les courbatures, avec dans ma gueule un métallique coup de sang. Ils croient tous, ils le jurent, c'est l'œuvre des gitans. Je sors à n'importe quelle heure, je me rappelle de tout ce qui vit. Je reste un monstre en colère, Sir John, pour ceux qui l'ont dormi. suis un monstre en plaie. Serjan, pour ceux qui m'ont suivi. La fin se rapproche, mais voilà qu'arrivent les défunts Thugs, les Angevins et Cervelets chantent I Love You So. Pour refermer notre pop and rock, préparez-vous à la douceur de Heart on My Sleeve qui ouvrira la folie de American Crazies, tous deux de Bob Mould. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.